grosseur. Pleine de prod et ça joue les monsters. Avant de parler, elle surveille vos heures. J'ai pris ta grosseur, ça tech poteau. J'prends le hamon, ça petit costo. Ça part à l'aventure gros comme cousteau. Trop de sexe de nos jours, poteau, ça pousse tôt. Ça pousse trop que des petits chats. J'arrive dans les games, j'vois les MC flipper. Par le pass, t'as le flow RIP. J'fais le son comme je veux, rien à foutre, s'il plaît. Minimum le bénéf, faut le tripler. Compte que sur toi, faut t'équiper. Mon tune équipé, ferme leur gueule à tous ceux qui parlent. Ils sont bons qu'à piper. Les jaloux cliquer, critiquer, mais ça fait les fous que dans les commentaires. Dédicace aux frères du terre-terre. Poteau pour l'argent facile et des volontaires. C'est gros bolis et des gros terres. On fait des burns sur la chatte à ton père. Mon frère, faut faire confiance en personne. Mais faut jamais trahir ses compères. Si le terre-terre soutient, ça peut le faire. Pas besoin de te montrer comment faire. Pas besoin de toi, poteau, pour le faire. Mêle-toi ton cul, chacun ses affaires. Ils sont forts dans la théorie. Beaucoup parlent pour rien du tout. Beaucoup trop s'inventent des vies. Toi, si toi, ça doit rien du tout. Ouais, les jaloux parlent, c'est tout. Mais ne feront rien du tout. J'ai besoin de rien. J'ai tout, poteau, fais-en un. Mais tout partout, c'est la même routine. Pétard sur vêtements, gros jeans. Des blondes, des brunes, des routines. Poteau que les bandeurs leur lèchent les bottines. Ne fais pas le voyeux pour qui. Peu importe combien de vient, la rime on l'amortit. Trop d'MC préfèrent le dirty. Maîtrise pas le flow et le recal à l'ordi. Si tu parles pour rien, poteau, ça sert à chi. J'arrive comme un Maserati. Tu veux tester le bitume, tout le monde avait des thunes. Dans la solitude, on veut le salaire à Verratti. Faut savoir faire des choses comme il faut. Sinon, t'es pas de la partie. Trop de jaloux qui parlent dans mon dos. Et devant moi, ils me lèchent les parties. Le business, ce n'est pas un jeu. Tu risques du ferme à toutes les parties. Des terres de mardi à mardi. Pour le bis, on attend que la bague soit partie. Gros pétard, matin, midi, soir. Chacun sa merde, chacun son histoire. Poteau, tu peux te faire affaler. Même si t'as rien à voir dans l'histoire. Y'a des mecs seuls dans leur tête, ils sont pleins. Y'a des charbonneurs secs à temps plein. Y'a des mecs qui brassent pas combien. Et qui parlent pas, mais t'inquiète, qui sont pleins. Rien qu'on se plaint, même quand on a tout ce qu'on veut. C'est plus t'en as, plus t'en veux. Plus t'en prends, plus t'en faut. T'es parano, tu crois que le monde t'en veut. C'est la merde partout, mais où est-ce qu'on va? On sait plus, on sait pas. Ça raconte de la merde partout, mais faut s'enfermer quand on ne sait pas. Non, ici c'est pas rose. Ces gros dessins sont taros. Pour un mauvais geste ou une parole. Y'a pas que les fleurs que l'on arrose. On veut le signe BM sur le carrosse. Retaper chez le carrossier. On n'est pas du genre à négocier. Manquera d'embrouiller le canoncier.